capricieuse et mon petit nom. T'es à la manche, t'attends au tournant. Tu me résistes, ok, admettons. Mais je m'engage à ce qu'un jour tu me demandes pardon. Petit insolent. Demande à la limitless.